Mireille Kanyang. Dimanche 2 mars, merci de nous rester fidèles. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 1000 naissances ont été enregistrées à l'état civil dès la naissance dans trois communes de la province Kayanza et c'est depuis le mois de novembre de l'année passée. Dans la ville de Gitega, on parlera d'une pénurie d'eau potable et nous précisera à Gérard Nibigira. On aura également la chronique nutrition sur les valeurs des graines de courge. Vous l'entendrez dans cette édition mise en ondes par Albert Douayo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois. Pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de la ville de Gitega depuis un peu plus d'une semaine. Les écoles à régime d'internat en souffrent énormément et les élèves craignent des maladies des mains sales au moment où les responsables de ces écoles, eux, dépensent plus d'argent pour faire puiser de l'eau de cuisson. À la régie des eaux Gitega, l'on indique que cette pénurie émane de l'insuffisance de l'eau pour cette ville. Toutefois, des travaux d'augmentation de l'eau ont débuté par notamment l'exploitation des eaux de la rivière Aluvo. Des précisions de Gérard Nibigira. Il y a un peu plus d'une semaine sans eau de robinet dans plusieurs quartiers de la ville de Gitega et dans certains de ces quartiers, c'est plus de deux semaines sans eau. Même ceux qui reçoivent l'eau, ce n'est pas de façon régulière mais c'est plutôt par rationnement et un jour, deux ou trois peuvent se passer sans avoir d'eau de robinet. Toutefois, les quartiers les plus touchés par une pénurie d'eau prolongée sont entre autres Musinzira, Bgoga, Karera 1, Karera 2, Nyamugari, Magarama et Rango. Cela étant, les habitants de la ville de Gitega qui manquent souvent l'eau se rabattent à l'eau qu'ils achètent à raison d'un montant variant de 500 à 1000 francs par bidon de 20 litres. Ils demandent donc à la régie des eaux de servir à nom et par rationnement tous les quartiers équitablement afin d'éviter qu'ils ne soient attrapés par des maladies des mains sales et qu'ils aient de l'eau de cuisson, de l'eau à boire, à faire la lessive, la vaisselle, etc. En outre, les écoles à régime d'internat situées dans des quartiers en pénurie d'eau sensible souffrent car elles doivent acheter beaucoup de quantités d'eau ou puiser l'eau par leur camionnette pour celles qui en ont afin de pouvoir préparer les repas des élèves. Ces derniers disent quant à eux qu'ils perdent beaucoup de temps de revoir la matière vue en classe dans la mesure où ils doivent puiser eux-mêmes l'eau à boire, l'eau pour se laver et laver les vêtements de donc, ils demandent qu'ils aient de l'eau en permanence pour ne plus perdre le temps de revoir la matière et éviter les maladies des mains sales. Quant à lui, le chef d'antenne de la régie des eaux régio centre-est, Avite Nibaruta, indique que l'actuelle pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de la ville de Gitega émane de l'insuffisance de l'eau dans cette ville et qui s'agrandit très rapidement sans pour autant que les sites de captage d'eau augmentent. Il dit néanmoins que les travaux d'augmentation de la quantité d'eau dans la ville de Gitega ont déjà débuté et là c'est notamment le captage des eaux de la rivière Ruvubu avec des forages d'essai déjà construits, la construction d'un réservoir d'eau de Karera et le forage de l'eau de Jimbi qui sont en cours. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. Du centre du pays, rendons un peu plus en province Kayanza, c'est au nord du Burundi où plus de 1000 naissances ont été enregistrées dans les registres de naissance des communes Kayanza, Muruta et Kabarore de cette province de Kayanza depuis le mois de novembre de l'année passée. Une activité faite au sein des centres de santé. Mathias Manirumva, contrôleur provincial d'état civil à Kayanza, fait savoir que cette activité rentre dans la mise en œuvre du projet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique conjointement avec le ministère burundais de la Santé publique visant la réduction du nombre d'enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil par leurs parents à leur naissance. Le point avec Patrick Nsengi. D'après les données chiffrées recueillies auprès du bureau d'état civil à Kayanza, depuis novembre de l'an passé jusqu'à février l'an courant, il a été inscrit dans les registres d'état civil des communes Kayanza, Murte et Kabarore environ 1279 naissances, dont 666 garçons et 613 filles. Mathias Manirumva, contrôleur d'état civil en province Kayanza, indique que ce travail a été effectué dans 15 centres de santé que compte le district sanitaire de Kayanza. Le contrôleur d'état civil à Kayanza fait savoir que les services de l'état civil profitent les parents d'enfants pour enregistrer les naissances, surtout quand ils se confient aux structures de soins pour le vaccin de leur nouveau-né. Mathias Manirumva poursuit en faisant remarquer que cette façon de faire permet l'enregistrement de tous les enfants dans les délais prévus par la loi. Il y précise également également que cette activité permet à l'enfant enregistré de commencer à jouir de tous les droits que jouit tout autre citoyen burundais. Le contrôleur d'état civil à Kayanza fait savoir que quand pareille activité s'étendra dans d'autres communes de la province Kayanza, ça donnera de bons résultats. Mathias Imanirumva, contrôleur d'état civil à Kayanza, appelle tous les parents à faire enregistrer leurs enfants à la naissance dans le délai prévu par la loi, tout en expliquant qu'il y a encore des parents qui ne le font pas et que c'est l'enfant qui endure les conséquences quand il se retrouvera dans le besoin de l'extrait de naissance. Depuis Kayanza, Patrick Essendio va pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Prévenir et lutter contre les violences basées sur le genre pendant la période électorale devrait être une préoccupation de tout le monde. C'est l'avis de Kinyabuku Marie, coordinatrice des projets chez Réseau Femmes Épée. C'était vendredi lors d'un café de presse sur des engagements et recommandations formulées dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Campagne intergénérationnelle de prévention et de lutte contre les VBG dans le contexte électoral 2025-2027. On l'écoute au micro de Stella Daichimi. Pendant la période électorale, nous avons remarqué effectivement qu'il arrive des moments où il y a des tensions. Nous avons travaillé avec plusieurs femmes, plusieurs filles de toutes les provenances et de toutes les générations. Nous étions aussi avec les hommes. Les hommes ont perçu aussi leur message. La campagne, ce n'était pas pour dire que la femme et la fille sont victimes à cause de ces hommes-là, mais c'est toute la communauté qui doit s'engager à lutter. Pour ces hommes, peut-être qui commettent ces forfaits, c'est le moment d'adopter un comportement de changement. Sur 6311 réfugiés congolais qui sont arrivés au centre de transit de Kagwema, en commune Gihanga de la province Bubanza, à partir du 15 du mois dernier, seuls 3630 restent, y compris beaucoup d'enfants non accompagnés selon les responsables de ce centre. Certains sont retournés dans leur village qui ont déjà recouvré la paix au Congo. Les autres ont été transférés au centre de transit de Gitara en province Makamba. Selon la même source, le transfert va continuer puisque le Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi a déjà établi des listes, une information que nous devons à notre correspondante en province Bubanza, Spes Caritas Kabanyana. 3630 réfugiés, y compris beaucoup d'enfants séparés et non accompagnés, restent dans le centre de transit de Kagwema jusqu'à présent, selon les responsables du centre, qui précise qu'au départ, ils étaient au nombre de 6311, ceux qui y sont arrivés à partir du 15 février. Un nouveau-né, orphelin de père et de mère, trouvé par sa grand-mère, n'a ni vêtements, ni couverture, ni lait. D'autres trois enfants, séparés de leurs parents en fuyant, ont été récupérés par une fille de Rugunga en commune Gihanga, selon des sources administratives. Les responsables du centre de transit de Kagwema font également savoir que 1041 réfugiés sont déjà retournés chez eux dans leur village au Congo et 2031 ont été transférés au centre de transit de Gitara en province Makamba. La même source indique que même d'autres réfugiés vont continuer à être transférés à Makamba car l'OHCR a déjà établi les listes pour ce transfert. Spes Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Les graines de courgette à lutter contre les infections de l'appareil urinaire réagissent également sur l'hypertrophie de la prostate. Les graines de courge sont un excellent apport en magnésium et phosphore selon Gilbert Nangwara, chercheur nutritionniste. Ces graines de courge réduisent le risque des maladies cardiovasculaires et aident dans la gestion de la pression artérielle. Et la chronique avec Jean-Marie Mayonga. Les graines de courge apportent différents nutriments, des vitamines et des fibres dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Ces graines contiennent de cuivre, calcium et acides aminés qui favorisent le renouvellement des tissus musculaires. Les graines de courge possèdent une composition nutritionnelle très intéressante, notamment en protéines, en acides gras de bonne qualité, amis minéraux et oligo-éléments comme le cuivre, le zinc, le magnésium, le calcium, le fer et des vitamines comme vitamine A, vitamine C, vitamine du groupe B. Possèdent aussi des phytostérols et des phytoestrogènes et d'autres antioxydants qui augmentent l'immunité et qui nettoient les cellules pour une bonne santé cellulaire. Selon J.B. Nanguaf, chercheur nutritionniste, les graines de courge et surtout l'huile de pépin contribuent à soutenir la santé de la prostate chez les hommes. Jirwe Nangwaafi précise que ces graines sont importantes pour les femmes et filles pendant leur période menstruelle. Elles sont connues comme une excellente source de protéines, de fer, mais aussi pour leurs bienfaits sur la prostate et le cholestérol. Ce sont des graines encore utilisées pour de nombreux autres bienfaits, notamment dans la lutte contre certains types de cancers, santé du foie, sommeil, dépression, système urinaire, syndrome prémenstruel, ménopause, alopécie androgénique, glycémie et hypertension artérielle. Les graines de courge peuvent être en soutien en cas d'hypercholestérolémie, taux élevé de cholestérol dans le sang, et ont un potentiel anti-athérogène, diminution du risque de développer une plaque d'athérose. Quant à la consommation, il faut les griller et les manger comme arachide. Sinon, préparer de la farine pour faire de la bouillie. On peut utiliser les graines de courge sous forme de la bouillie, à les mélanger avec d'autres céréales ou légumineuses. On peut utiliser aussi les graines de courge sous forme de thé, à les faire torréfier et puis on les transforme en poudre. Et puis on va prendre une à deux cuillères dans une tasse d'eau chaude. On peut mélanger avec du miel si on n'est pas diabétique. Les courges sont originaires d'Amérique centrale et au Burundi, les courges sont cultivables. Quelques brèves internationales avant de clore cette édition au Madagascar. La Confédération africaine de football ne veut toujours pas homologuer le stade d'Antananarivo. Dans ce pays, les supporters de l'équipe nationale de Madagascar devront encore patienter avant de voir un match officiel à domicile. Le stade Baréa d'Antananarivo, construit à grands frais en 2021, ne répond pas aux normes des instances internationales du football. Une inspection de la Fédération de la Confédération africaine de football réalisée mi-février de cette année a été soldée par un refus d'homologation et c'est le troisième en moins de deux ans. Si la CAF note des améliorations au niveau de la sécurité du stade des Baréa, écrit la RFI, l'état de sa pelouse laisse encore à désirer. Le secrétaire d'État malgache chargé de cette infrastructure regrette une multiplication des normes, selon lui, trop difficiles à appliquer et c'est dur de suivre le rythme, poursuit-il. Et le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté a remporté les talons d'or de Yenenga. Le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté a remporté, je le disais samedi, hier, 1er mars, les talons d'or de Yenenga du 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou Fespaco pour son long métrage Katanga, la danse des scorpions. Et les talons d'argent a été décerné au réalisateur somalien Mo Haraoui pour son film Le village aux portes du paradis, qui a été salué par son caractère saisissant et la richesse artistique de sa trame dramatique émouvante. Enfin, les talons de bronze de cette édition, placés sur le thème des identités culturelles en Afrique, est revenu à la Zambienne Rungano Nyoni pour devenir une pintade, un film remarqué pour sa singularité, sa pertinence et sa subtilité dans la description des rapports humains. 5 femmes réalisatrices figuraient dans la compétition officielle qui a projeté 15 films au total. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui assurait la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyangi.